was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. J'ai changé de nom, la clandestinité m'a happé, une soif de révolution. Vivre dans l'indifférence m'était insupportable. J'ai dit au revoir à ma famille et suis parti vers l'insurmontable. Traverser des villes, des guerres et des montagnes. Perdu beaucoup mais peu si le peuple gagne. Mon corps gît dans la mémoire de mes frères d'armes. Partisan, je garde mon fusil, je vous remets mon âme. Résistant d'hier, d'aujourd'hui et demain. Militant fier qui prend son destin à deux mains. L'une sur la machette, l'autre sur un bouquin. Viens, le vent se lève autant que se lèvent nos poings. Partisans du grand soir ici et maintenant. Des lendemains qui chantent, des soleils levant. Des veilles de passage à l'action où l'on se dit adieu. De lutte d'entraide, d'espoir en un futur radieux. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Résistante, d'aujourd'hui et demain. Une soif de révolution.